i benvingudes una vegada més a través del vostre espai. Això és Hola la Música amb Rafael Corbí. Aquí estem per dedicar-vos música en francès a càrrec d'aquests protagonistes que avui ens acompanyen. Començarem amb el disc de debut el 2003 de la cantant bretona Noëlle Leroy, que ens aportarà alguna de les cançons que en format de senzill varen sortir d'aquell àlbum, alguna de les quals, com la que escoltarem en segon lloc, va ser número 1 a França i a Bèlgica. Noëlle, amb diverses de les cançons, els tres singles d'aquest àlbum que portava el seu nom, editat el 2003. Comencem, doncs, el programa d'avui de Hola la Música. Benvinguts, benvingudes, bienvenue. Il y a dans mon cœur une femme qui attend le bon moment et l'heure pour offrir ses présents. Il y a dans mes yeux bien assez de tourments, de courage et d'aveu pour dire ce que je pense. Une femme cachée à l'intérieur, prête à tous les combats, voudrait qu'à son réveil tu entendes sa voix et que tu sois là. Et lorsque je me tais, ce que je veux crier, avec ou sans violence. Il y a dans mon cœur une femme qui danse, va ser el tema que va arribar al número 1 a França i a Bèlgica d'aquest àlbum, el primer número 1 de la Noëlle Leroy. Je ne t'ai pas vu partir ni entendu la porte claquer. C'est un peu facile à dire après quelques années. Je ne t'ai pas vu partir, ton manteau est resté dans l'entrée. Depuis que je t'ai vu en me rendant les clés, et après m'avoir dit en face mes quatre ou cinq vérités, l'amour ça passe ou ça casse, mais comme c'est déjà

Je passe mon temps à chercher pourquoi ou comment j'ai fait pour ne pas voir avant qu'il suffit de vivre au présent. Le passé est un vieil amant, le futur un doux prétendant. Mais rien n'est suffisant. Là, je fais ma dernière overdose. Promis, je passe à autre chose. Je fais la paix à ce faux moi. L'ego dont il est, je ne suis pas. Je subis la métamorphose. Aquesta era la cançó que escoltàvem també a la Nouen, amb aquesta impressionant artista. Caser número 1, un fam caixer, era el número 40, Seven Atoll, el número 12, i aquest Inevitable Monk va ser un número 31 a França. Els 4 singles extrets d'aquest àlbum, però és que sabeu, els que seguiu aquest programa, que és una de les meves artistes preferides. Per tant, una cinquena cançó també la vull escoltar d'aquest disc, que portava el nom de 14 de febrer. des jours où les dieux vous oublient, où certains souvenirs vous pèsent, des jours qu'il ne faudrait pas vivre ou mettre entre parenthèses. Juste un jour que j'ai rayé pour toujours, 14 février. Il y a des jours qui sont des ennemis, pire que des vendredis 13, des jours qui pincent au ralenti, sans que les pendules se taisent. Juste un jour du calendrier, juste un jour, 14 février. La Music amb Rafael Corbí. J'ai mis mon complet neuf, mes souliers qui me serrent, et je suis prêt déjà depuis pas mal de temps. Ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais je te sens nerveuse au bord de la colère. Alors je ne dis rien, mieux vaut être prudent. Si je disais un mot,

dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux, on était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à trousse chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de nos verres, ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des mortes saisons. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison. Això és Oh La La Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Les diamants, les perles, les bagues, les colliers, les manteaux de fourrure, ça me plaît qu'à moitié. Moi, c'est le pétrole qui me fait surtout plaisir. C'est l'unique objet de mes plus désir. Il m'en faut pour faire marcher ma torpedo et aussi pour le briquet qui allume mes cigarios. J'aime tant le pétrole que je prends des bains de temps et j'y fais la connaissance du plus macho des sultans. Je ne peux pas dire que ça me fait quelque chose. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il est dans l'OPEP. Les grandes compagnies, lui, s'amusent avec. Ne me parlez pas nucléaire ni charbon. Non, il n'y a que le pétrole qui soit beau, qui sente bon. En pétrodollar, je règle mes dépenses. Et dans le golfe Persique, je passe mes vacances. Du A la recta final del nostre espai per aquesta setmana de la música en francès, ens perdem el 1981 i escoltarem alguns artistes que ens portaven cançons aquell any, com per exemple amb aquests ritmes més de pop, de Pecan, amb el rei del petroli, l'acabeu d'escoltar, Alex Lézard, amb Mamji Crack, o Amélie Morin, Anne Leonard, Anne Van Der Love, també ens acompanyaran amb aquests minuts amb el nostre programa. Ups! Ens n'anem molts d'anys enrere, 1981. Cançons absolutament diferents, veritat, en ritmes que ens acostaven amb aquest any 1981. Mamji Crack era el tema d'Àlex Lézard, que ens acompanyava també. Una cantant parisenca, amb un to de veu més infantil, amb el seu moment, cantant i comediant, però també artista de doblatge, nascuda el 3 de juny del 56 a París, tot i que es va fer gran al Quebec. És una artista que va triomfar el 1981 amb aquest tema editat per Philips, dels pocs de la seva carrera artística. He vingut per dir bon dia! Bon dia, doncs, amb Amélie Morin. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'avais le sens de votre humour. J'étais votre petite sœur. Il y a du sang sur mes appels. Vraiment, fallait pas vous entretuer pour moi. Boum, c'est ma langue, me voilà toute seule. Plus personne pour jouer avec moi. J'ai mis mes fleurs sur vos linceuls. Ne me regardez pas comme ça. Il y a du sang sur mes dentelles. pas belle. On va encore dire que c'est de ma faute. Tu as du sang sur mes dentelles. Vraiment, fallait pas vous entretuer pour moi. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'étais venue pour dire bonjour. Je vous avais cueilli des fleurs. J'étais venue pour dire bonjour. Difficile, j'aime pas les garçons fragiles. Moi j'aime les hommes grands, intelligents, avec beaucoup d'argent. Pour cela je bats des cils, je me sens féline docile. Mais celui-là c'est le gracieux Minet qui ne boit que du lait. Qu'est-ce qu'il a ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? En t-shirt, basket et jean, il se force à boire un gin. En toussant, il me dit que je suis plus belle qu'une super limousine. Je ne suis pas du genre gamine, je m'arrange pour avoir bonne mine. C'est bien grâce à lui que depuis 6 mois, je suis toujours mon régime. Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Terrestre habile, mon idéal de jeune fille. Un vrai Superman, même un dieu n'aurait sûrement pas fait mieux. Sur sa Kawasaki 1000, j'ai un flash sur ma famille. Si on me voyait là, on le croirait pas. Bon sang, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Il passe toujours me chercher, 1 heure plus tôt c'est réglé. Je râle comme un routier, il me laisse au moins le temps de me préparer. Mais pour peu qu'il soit en retard, je dis ce râle mes térébanes. Et quand il est là, je lui montre pas, je suis dans tous mes états. Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce petit con à marcher sur mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a? À marcher sur mon cœur. Qu'est-ce qu'il a ce petit con? À marcher sur mon cœur. Família, gairebé anem acabant el nostre programa per aquesta setmana de Olala Música. Ens queden, doncs, temes, un tema, bàsicament, per anar acabant. Però com que és molt curt, n'escoltarem un parell. Anne van der Loof, aquest nom que no és gaire francès, ens acostava també una de les seves cançons després d'haver escoltat un altre Anne, en aquest cas, Leonard. Quand les chansons, les bouquins nous parlent de l'enfance, on déballe le costume marin, les mèches blondes, les sockets blanches, la grand-mère qui sort le jasmin, la vieille soupière en faïence, de la dentelle dans tous les coins, et la mélancolie commence. Là-bas, Bilbo, ils étaient en nylon les rideaux, faute de goût pour manque d'argent, demandez à mes parents. Là-bas, Bilbo, entre la délan, les coursins piccolo et les de sucre et de beurre, un brocanteur du cœur n'y trouvera pas son bonheur. Nos voisins n'étaient pas sortis d'Oxford, je vous assure. Ils nous réveillaient la nuit, les soirs de paye ou de biture. Le jour, nos ballons explosaient de temps en temps leurs fenêtres. Et quelquefois, on oubliait un pétard dans leur boîte en l'air. Là-bas, Bilbo, il n'était faute de goût, manque d'argent. On savait tout sur les gens. Là-bas, Bilgo, entre la délo, les coursins du clos et le jeudi matin, beaucoup de sucre et de bain. Un brocanteur de canne y trouvera pas son bonheur. Avec nos petits copains manouches, les terres vagues à l'âme, cheveux frisés, regards louches, on fit Mayenne et Liane. On n'est pas nés dans du sapin, ni sur un tas de charbon. C'est pas moelleux, c'est pas chagrin, mais comment dire que c'était beau. Là-bas, Bilbo, il n'était pas méchant, les marmots. Faute de goût, manque de temps, on ne se voit plus souvent. Là-bas, Bilbo, entre la délo, les courses en piccolo et le jeudi matin, beaucoup de sucre et de bain, un brocanteur de cœur n'y trouvera pas son bonheur. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hola, la música, el programa que ens arribava doncs amb la bona música per finalitzar del 1981. Amb Biscuit acabem el nostre programa. Ja als darrers instants, fins al final, escolteu aquest Roller Boogie. És un tema publicat en single també aquest any que us comentàvem. Fins la propera, tornarem a ser aquí. Hola, la música. Adéu-siau.